rien à perdre, rien à prouver à personne. Je fais ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que je vais me justifier auprès de tous les guignols qui viennent me voir? Tu crois? Eh, hey, mets-toi le doigt dans l'œil, tu rêves mon pote. J'ai pas beaucoup de vrais amis, mais je peux compter sur eux. Tu crois quoi? Que je vais me débiner à chaque fois qu'un enfoiré vient me menacer? Tu crois quoi? Je charge mon Glock, boum, je lui tire dessus, je lui éclate le cul. Eh, hey, je m'en bats les couilles de ses amis, m'en bats les couilles de sa famille et de son bande. Moi je me balade tout seul, la tête haute en ville, c'est vrai. Tout seul, je marche dans les rues de Decazeville, la ville qui est ma ville. Même si je crois qu'ici y'a pas beaucoup d'hommes, hey, qu'est-ce que tu croyais pouvoir m'avoir, me tirer dans le dos, hey, tu t'es mis le doigt dans l'œil, je te l'ai déjà dit. Si tu veux me tester, tu viens me clasher dans de la testostérone. Fais un peu de musculation si tu veux faire le poids, mec, car tu sais, t'as beau être costaud, moi j'ai rien à perdre. Et comme j'ai l'habitude de dire, il faut se méfier des gens qui ont rien à perdre. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de parents, moi je m'en bats les couilles. J'ai que mes amis et mes amis sont fidèles. Je me bats pour eux et me bats pour moi. Je crois en moi et je crois au mien. Ceux qui croient pas en moi, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Beaucoup m'ont descendu et m'ont cherché des embrouilles. Alors tu veux que je te dise quoi, que je m'en bats les couilles de tous ces enfoirés là qui arrêtent pas de parler de moi. Alors quoi, je trace ma route et l'autre parle de moi, je m'en fous. Tu sais quoi, il me lèche le cul quand il me voit devant moi. Il me serre la main le con et me demande comment je vais. Je m'en bats les couilles de ce qu'il a dans sa tête. Je m'en bats les couilles, moi je me mets la tête. Je fume des bédos, c'est vrai que des fois je pars un peu en couille. Dans mon cerveau ça tourne pas rond, mais moi je m'en bats les couilles. Je fais ma vie et ce que je suis. J'ai grandi seul, je me suis construit tout seul. Pas besoin de l'aide de personne autour de moi. Comme je te l'ai déjà dit, si tu veux me tirer dans le dos, vas-y mange des faillots, arrête de faire le faillot, ok? Sinon je fais faillat sur toi, ok? Sur ce beat, para. Hey, Major Mike, tu le sais, prends le mic pour se défendre. Prends le mic pour moi, y'a que Mike qui mic comme la moutarde. Je m'auto-né, et attention, si tu veux pas que je te casse le nez, oh. Ne me dis pas comment je dois marcher, ne me dis pas ce que je dois penser, ne me dis pas si je dois faire de la politique, ne me dis pas non, ne me balance pas. Beaucoup ont essayé de me balancer, combien de fois je me suis retrouvé au commissariat. Les menottes claquées, clic, accrochées au radiateur, une nuit en garde à vue, putain me font pas peur. Ils croyaient quoi, que j'allais ramper, que j'avais une goutte de sueur qui coulait sur mon front. Mais je ne balance pas, n'aime pas toutes ces balances. Je n'aime pas ceux qui parlent de trop, ceux qui racontent n'importe quoi. Je te l'ai déjà dit dans une chanson précédente. Trop de blabla, trop de blabla. Eh, hey, tu veux me tirer dessus? Vas-y prends des couilles mec. Tu veux me tirer dessus? Attends je prends rendez-vous. Ok, personne ne me fera marcher à leur pas. Major Mike, pour toutes les temps, tous les patrins.